L'actualité à Nancy et ailleurs. Reynald Rigolo, bonjour. Bonjour. Vous êtes président bénévole de Flore 54. Flore 54 qui fête ses 38 ans cette année. C'est l'occasion de revoir un peu, pour celles et ceux qui ne connaîtraient pas, qui est Flore 54. Alors, en quelques mots, le rôle de Flore 54 depuis 38 ans. Alors, Flore 54, entre autres, a été, pour ceux qui connaissent, a été constitué ou créé par différents naturalistes, et notamment Jean-Marie Pell. Il y avait aussi un préfet à l'époque, voilà. Donc, c'était vraiment des gens très sérieux. Hein. Et globalement, le but, c'était de faire une fédération pour rassembler des acteurs qui étaient déjà ou structurés ou qui ne l'étaient pas ou qu'il fallait structurer. Donc c'était vraiment cette volonté de fédéralisme qui s'est ancrée dans des territoires, qui s'est ancrée chez les gens et qui, à l'heure actuelle, fait la force de Flore 54. Alors vous êtes président de Flore 54. Depuis quand ? Comment alors vous avez connu Flore 54, vous ? Alors moi, je l'ai connu bien plus tard sa création. Moi, je l'ai connu en 97. Entre guillemets, on est venu me chercher. Donc c'est l'équipe qui dirigeait Flore 54 à l'époque, qui me connaissait à travers différentes actions, différents militantistes dans quelques associations de défense de l'environnement, qui étaient beaucoup moins nombreuses qu'à l'heure actuelle. Globalement, ils sont venus me chercher, donc je suis allé voir par curiosité, et j'en suis plus sorti, et on m'a très vite donné plein de responsabilités, dont la présidence, 18 mois après. 38 ans de cette année de cette fédération, Flore 54, quel regard on porte en 2021 sur les actions menées depuis ? Alors les actions, c'est le verre à moitié vide, à moitié plein. Le verre à moitié plein parce qu'on a su fédérer, à l'heure actuelle, on est 60 associations, on a des personnes ressources individuelles qui sont là à plus de 200, on a des collectivités qui adhèrent maintenant, donc ça veut dire que le fédéralisme de réseau est une mayonnaise qui a prise et qui montre son efficacité, sa qualité et la réalité des actions elles-mêmes. Ça, c'est un point positif. Mais globalement, de voir autant d'associations et autant de problèmes à régler, ça veut dire que la situation environnementale de nos territoires, de la planète, s'est fortement dégradée au fil des années et continue à se dégrader. Donc il y a la satisfaction de pouvoir créer un réseau, de créer une dynamique territoriale qui est très mobile, enfin, ça bouge beaucoup. Et puis d'un autre côté, on s'aperçoit qu'on a du mal à faire face à des problèmes qui se dégradent de plus en plus. Il y a de quoi s'inquiéter. Voilà, donc c'est pour ça que je parle de verre à moitié vide, à moitié plein. Essentiel aujourd'hui de se rassembler pour faire entendre ces idées et puis mettre en place des projets. Oui, je pense que maintenant, comme on dit, quand on est tout seul, on va vite. Quand on est nombreux, on va plus loin. Donc le fait, il faut aller plus loin. Donc il y a une prise de conscience qui évolue énormément et on le voit au niveau, y compris le système éducatif, les universités, différentes écoles, les lycées qui s'ouvrent maintenant. Il y a les SVT qui viennent faire des actions sur le terrain de sensibilisation. Il y a les écoles primaires, les maternelles, tout le monde bouge un petit peu dans son coin. Mais bouger dans son coin, ça suffit pas toujours parce qu'il faut pas non plus se donner bonne conscience. Le mal, il est beaucoup plus profond que ce qu'on pense. Voilà, donc dans beaucoup de domaines. Alors, je veux pas être dans le pessimisme parce qu'on serait pessimiste, on n'agirait pas dans les associations. Mais globalement, il y a une situation où il faut vraiment prendre conscience que la situation est fortement dégradée, qu'elle se dégrade très très vite. Voilà. Une réussite de Flore 54, un projet qui vous a le plus marqué personnellement ? Le plus gros projet qu'on a mené, c'est pendant plus de 12 ans, c'est le classement de la forêt de haies, en forêt de protection. Hein. Voilà, donc c'est ce qui a d'ailleurs fait la grandeur et la reconnaissance, notamment de Flore 54, auprès de nombreux acteurs, c'est-à-dire qu'on était très crédibles sur ce dossier, mais on a énormément bossé sur le dossier. On a eu des bénévoles plein partout qui ont travaillé, qui ont étudié tous les documents d'urbanisme des communes, qui ont étudié tous les projets qui étaient susceptibles d'impacter la forêt de haies. Et c'est un petit peu ce résultat qui a permis, y compris, d'aller taper du poing sur la table au ministère au dernier moment pour faire modifier le décret d'application qui ne nous convenait pas à la fin et qui a été modifié comme on le voulait. Donc il y a eu aussi les acteurs de territoire, il y a eu le service de l'État qui ont fait du boulot, il y a des collectivités, certains élus qui ont bien bossé sur le dossier. Pas tous ceux qui le disent, mais un certain nombre. Et globalement, c'est vraiment un très très gros dossier qui a rassemblé beaucoup de monde. Mais pourquoi ? Parce que l'enjeu, la symbolique même de la forêt de haies, du massif de haies, est dans la conscience de tous les gens. Un coup d'œil sur l'avenir 2021, la forêt de haies qui va être aussi au cœur de l'actualité, parce que je crois qu'un livre va bientôt sortir. Oui, alors je pense, fin mars, le livre sera dans les rayons, sera à disposition. Un superbe livre de 172 pages qui va parler du patrimoine du cœur du massif et aux abords du massif, un peu comme on a travaillé travaillé pour le classement de la forêt de Haye. Donc on a relevé plein de choses, hein, que ce soit le problème géologique avec la capture de la Moselle, qui est un élément très très important de géologie au niveau mondial, hein, que personne, pas beaucoup de monde connaît. Il y a toute l'histoire des mines, l'histoire des armées, il y a l'histoire, enfin il y a plein de patrimoine historique, patrimoine naturel, les paysages, les sites, il y a plein de choses à visiter. Mmh. On essaie de démontrer ça à travers un livre où on a des jeunes qui ont travaillé dessus pendant plus de 2 ans. Et globalement, on peut même pas tout dire tellement il y a de choses à dire, mais 172 pages, il y aura une carte qui va être intégrée. Et ce livre sera en vente donc à partir, je pense, de fin mars. On est dans les dernières relectures avant de l'envoyer chez l'imprimeur. Et ce livre, bah, comme c'est associatif, il n'y a pas de rémunération à donner pour les auteurs, il sera vendu à modique somme de 15 euros. Donc ça, ce sera pour le livre, parmi les autres temps forts, des rendez-vous qu'on va retrouver aussi cette année pour Flore 54, comme les rendez-vous Nature à l'Axou, les sorties nature, qu'est-ce qui vous marquerait le plus aussi? Alors nous, on a toujours ça au programme, c'est-à-dire que des rendez-vous nature, on en a une dizaine sous le coude, hein, dès qu'on peut remplir une salle, on le fera. Les sorties nature, bah, c'est pareil, pour l'instant, vous savez qu'on est limité à 6, encadrement compris. Malheureusement, on voit encore beaucoup de groupes qui respectent d'ailleurs pas les distanciations, qui respectent pas ces règles. On dit que c'est un peu dommage parce qu'il faut un effort collectif par rapport à la pandémie. Et donc, Flore 54 se l'applique à elle-même et l'applique donc vis-à-vis des personnes. Mais globalement, on a deux gros projets en 2021 qui sont tout nouveaux et qui vont donc être menés dans les semaines à venir. On attend un petit peu qu'il fasse un peu beau, qu'on puisse aller sur le terrain. On a donc un partenariat avec le diocèse de Nancy sur le projet qu'on appelle Église Verte. Donc c'est un projet de l'Église catholique. Et ils sont propriétaires de centaines et de centaines de terrains sur toutes les communes de Meurthe-et-Moselle ou une grande partie des communes de Meurthe-et-Moselle. Ils ne savent pas ce que sont devenus les terrains parce qu'ils n'ont pas le temps de s'en occuper. On va essayer, nous, de relever certains terrains et voir avec eux, par rapport à voir déjà les limites, là, savoir quelle est l'occupation du terrain. Et on va essayer de les mettre à disposition d'associations, de particuliers, des gens qui veulent un jardin, un potager, un verger, un jardin d'agrément, une association, une école, une collectivité. On va essayer donc de faire le lien pour pouvoir créer des conventions de mise à disposition de terrain. Donc ça, c'est un des gros projets qui va nous prendre pas mal de temps en 2021 avec, on va déjà signer quelques conventions pour pouvoir les reproduire plus facilement après, donc il faut que ce soit bien, comme on dit, bien blindé. Et puis on a un gros projet, c'est de mettre en réseau tous les gens qui veulent s'intéresser aux grainothèques, c'est-à-dire fabriquer ces graines de légumes, de fleurs, et pouvoir les distribuer, les échanger. Donc on contribue à mettre en place un réseau au niveau de la Meurthe-et-Moselle. Eh bien voilà de beaux projets pour cette année 2021 qui malgré les circonstances sera riche donc d'événements pour Flore 54. Si on veut aider Flore 54, comment on fait tout simplement? Alors c'est gentil de dire ça. Alors c'est vrai que malheureusement on a beaucoup moins de contact avec le grand public. Nous on remercie quand même ceux qui nous soutiennent parce qu'on ne peut par exemple accueillir que des jeunes services civiques, même s'il y a une prise en charge de l'État, mais toutes les activités qui sont menées, les outils pédagogiques qui créent, ou tous les stagiaires qu'on accueille, on n'a aucune aide, et donc ce sont bien les contributions des dons et des adhésions des gens, des structures associatives, qui nous permettent de mener tous ces projets. Donc il y a un site internet, hein, c'est flore54.org pour retrouver toutes les informations, tous vos projets, et pour vous contacter. Merci beaucoup Rénal de Rigolo. Merci à vous, bon courage à tous, protégez-vous bien au niveau de vous et de tous les auditeurs. L'actualité à Nancy et ailleurs. C'est sur Fudget. Pour y participer, contactez-nous au 03 83 35 22 62.